Avec moi, car si je pars en friche, rafraîchis-moi. Je veux ton soleil et ton air froid. Toi qui es facile à vivre, qui m'en veux jamais. En temps et nuit, tu restes m'accompagner. Mais un mois sur douze, ça ne me suffit pas. 11 mois de loose, je m'y fais pas. Non, non. Wow, oh, wow, oh. Wow, oh, wow, oh. Wow, oh. Parfums, les feuilles des arbres, les ocres, les rouges, les vins et l'or. Mais moi je suis où? Et je suis dans tes bras. Je suis à tes pieds quand t'es pas là. Mais un mois sur douze, ça ne me suffit pas. 11 mois de loose, je m'y fais pas. Non, non. Wow, oh, wow, oh. Wow, oh, wow, oh. Lentement, compte à rebours pour tes amants. Septembre, moi je te mords à pleine dent. Car t'es croquante et je suis gourmand. Mais tes boucles d'or, je suis pas prince charmant. Je te laisserai plus partir maintenant. Mais un mois sur douze, ça ne me suffit pas.